50K Game Over Volume 2. Handicaps, the new flavor. Ils font les gros bonnets dans la tête. Bois pour une fimbi, ces salopards vont s'allumer. Je sais que tu m'aimes, comme j'ai du bif. Tu peux pas me la faire, je t'ai analysé. Tu sais, la vie c'est dur. Tu viens chez moi et tu mets ton coco. Tu sais, la vie c'est dur. Moi c'est Nazaï, ma plume est cassée. Mais j'ai mon iPhone, je ne suis pas gay. Tu t'es fait recaler du skate sur le palais, entouré de dalles. J'suis pesa en Dolce, ils m'ont dit que ça m'allait. Débarque comme sur un sketch de Gad Elmaleh. Ah, c'est terrible, sur ma chevaux y'a NASA. C'est l'équipe, ce soir on va rentrer très tard. On fait qui me demande pas si j'ai un bras. Mon petit Ibra, la France.